Mes amis, je suis tombé par hasard sur un magazine d'enquête de consommation qui révèle que les produits de beauté se diversifient, que les crèmes amincissantes, que les produits de gommage, ou encore les produits qui tendent la peau, cartonnent de plus en plus et que le maquillage devient de plus en plus léger. Quoi ? Mais ça va pas les greluches ! C'est quoi ces histoires de faire dans le léger et le discret ? N'oubliez quand même pas que, et je le vérifie tous les jours, la radasse vieillit bien moins que l'homme. Et quand je dis moins bien, je veux dire en réalité beaucoup moins bien. Alors retendre le pot, gommer une cerne par ici ou par là, je veux bien, mais attention. En plus, vous le savez très bien, ralentir les ravages de Chronos, les balafres du temps, c'est bien. Mais il faut l'admettre, une femme moche reste une femme moche, même avec la police. Alors je vous le dis les filles, acceptez l'évidence. Vous êtes attaquées à partir de 33 ans, vous êtes attaquées, c'est tout. Maquillez-vous et arrêtez d'essayer de réparer. Vous connaissez le proverbe manouche qui dit « Si tu veux vendre rapidement ta bagnole, ne perds pas de temps à la réparer. Maquille-la, ça suffit. » La radasse doit se maquiller et c'est mieux comme ça. Il faut arrêter de se voiler la face, comme on dit à Vénitieux. Souvent, la femme ne doit son salut de pouliche montée que grâce au fond de teint et au rouge à lèvres. Le septième ciel n'est accessible à beaucoup qu'en passant d'abord par le rez-de-chaussée de Sephora. Quoique des fois, vous me direz qu'affirmer sa vraie nature, ça a le mérite de ne pas réserver des surprises. Le matin, au moins, réveil, il n'y a pas de scandale. Tu ouvres les yeux, et là, tu peux dire... Ah, ben toi, tu fais pas semblant, hein. T'es moche, mais tu t'en fous. Bon, maintenant, ce serait bien si tu te cassais chez toi. Attraper une moche, le soir, à 4 grammes, c'est une chose. La garder le lendemain matin, à jeun, au grand jour, ça en est une autre. Allez, tu dis merci, tu fermes la porte, et tu te casses. Écoutez-moi, les filles, je ne dis que la vérité. Vous n'aurez pas la chance de croiser tous les jours le chemin de gentleman comme moi pour vous le rappeler. Alors je résume. Les crèmes lifting, les crèmes amincissantes, pourquoi pas. Mais n'oubliez jamais de vous maquiller par-dessus. Et puis attention avec la crème amincissante. Si par hasard vous en mettez un peu sur les fronts et que ça fait masser en dessous, vous allez vous retrouver avec un QI de laitue. Bon, je vous laisse. Je vais récupérer Zouzou. Vous savez qu'il est la nouvelle mascotte officielle du Paris Saint-Germain. Depuis qu'il s'en sert de défouloir et qu'il sert de défouloir aux hommes de Vaïd, le PSG ne perd plus un seul match. Le problème, c'est qu'hier, après la qualification pour la finale de la Coupe de France, ils ont tellement fêté ça qu'ils ont oublié mon Zouzou. Il est toujours attaché dans le vestiaire du PSG. Bon, je file. Au revoir.